I don't tune my bass. I like this. Oula. Attention. Bonjour Bios. Hi Vampé. Okay. I start at one. Salut Bios. Thank you. Titi. Allez, je vais essayer une ligne de basse. Ok, regarde. Un truc simple, trois accords. Salut, Titi. Midos. Il y a des Ferrari, une Ferrari et une Lamborghini. Je les ai mis un de chaque côté. Sur le riff que je jouais, c'est la grille d'accord sur le riff que je jouais là, précédemment là. Tu peux faire tourner. Comme ça, ça joue juste. Ouais. Thank you. mettre un peu de guitare. J'aime bien le petit riff là. Tan, tan, tan, tan, tan. You want to play bass? Thank you. quoi ce bordel, c'est pas plus. Ah, j'ai trouvé un truc. Ouais, j'ai écouté des MP3 hein, social, ouais, mais hein, tout le monde voulait chanter, alors c'était bordel. Donc c'est devenu du antisocial. C'est quoi ce truc là? We'll be right back. Moi j'ai trouvé ça, c'est bon. Ça va y aller. Tu fais la basse. La basse c'est quoi alors le riff? C'est revenu le bassiste. Tu pars à un. Hein. Tu partiras, non? Non. Tu partiras ou non? Ouais, je fais de la basse, mais tu partiras, non? Bah attends, parce qu'il y a de la guitare, ça. Oh. Allô? Ok, un. Salut les gars. Thank you. Thank you.